Les dépravés, chapitre 21. Tandis que Max s'enfuyait à toute vapeur, réalisant ce rêve invraisemblable de quitter les plafonds de Mazas pour le ciel de l'Italie, Geneviève frappait comme d'un coup de massue, restait abattue chez Esther, qui se gardait bien de l'aider à se relever. « Si elle n'en revient pas, disait cet algébriste, elle assure, en disparaissant, le bonheur de 4 personnes, sans compter Clémentine, qui ne sera pas la moins heureuse. Si elle se remet, au contraire, moi qui l'aurai sauvée, je barre sur elle, elle m'appartient corps et âme, et je ne m'appelle plus Esther si je ne fais pas de cette simplette la plus terrible citoyenne qui ait jamais fait cabrer un champ de course. De cette façon, si je ne parviens pas à me venger d'elle, elle me servira à me venger des autres. » Mais il devenait de plus en plus douteux que Geneviève pût jamais servir à la venger deux personnes. Elle ne maigrissait pas, elle fondait. Une idée fixe lui ôtait l'appétit, le sommeil et la parole. « Qu'a-t-on fait de Max ?» se demandait-elle 50 fois par jour et 200 fois par nuit. De temps en temps, elle posait à Esther cette question unique. « A-t-on de ses nouvelles ?» À quoi Esther répondait « Est-ce que maintenant on peut jamais rien savoir ?» Sous Louis-Philippe, ah ça oui, il aurait été arrêté. Sous Louis-Philippe, je vous dirais très bien. Mais aujourd'hui, un homme est coffré, ni vu ni connu. C'est le bon plaisir, pas autre chose. Les gens qui ont disparu du jour au lendemain et dont on n'a plus entendu parler, c'est par milliers qu'on les compte. La malade retombait alors dans son anxiété silencieuse. Un matin, elle se crut sauvée. « Je vais aller me jeter aux pieds de l'impératrice, » dit-elle à Esther. « Elle passe pour si charitable. » « Ma chère enfant, » répondit la baronne, qui n'avait pu tenir son personnage plus de 48 heures, « si l'impératrice s'amusait à rendre leurs amants à toutes les femmes qui les ont perdues, elle n'aurait plus le temps d'enfiler ses bottines. » « Mais alors, que faut-il faire ? » ?»« Il faut espérer. Il ne reviendra peut-être au moment où nous l'attendrons le moins. » Ce système de consolation était le plus cruel de tous. À chaque coup de sonnette, Geneviève tressaillait dans son lit en se disant « Je ne l'attends plus, donc c'est lui. » Comme toutes les femmes à nuit du jeûne, Esther portait spécialement son attention sur l'infinitésimale quantité de nourriture quotidiennement absorbée par Geneviève. « Mangez !» lui recommandait-elle à tout bout de champ. « Quand on ne mange pas, on a le pylore. » Beaucoup de gens croient que le pylore est une maladie. Vers la fin du second mois, après le départ de Max, elle ne pouvait pas rester levée plus de 2 heures par jour, et son teint avait pris cette transparence blafarde de la pâte tendre des porcelaines Louis XVI. « Elle ressemble à une veilleuse, » disait Esther. Le docteur Ouzelot avait reçu de son fils des lettres de Florence, de Naples et enfin de Pompéi. Le sens général de cette correspondance cursive était « Je me porte bien et je suis très heureux ». Il en conclut que le remède conseillé par Esther avait opéré, et à l'entrée du troisième mois, il écrivit à Frédéric qu'ayant loyalement gagné les 20 000 francs promis, il a prié de revenir afin qu'il les lui fît compter par son banquier, ainsi que la convention l'avait été moralement signée entre eux. À une personne intelligente comme elle, les prétextes ne manqueraient pas pour quitter Max, et d'ailleurs il y avait pour opérer la séparation un procédé infaillible que lui, Ouzelot, n'hésiterait pas à employer. C'était d'arrêter les dépenses du voyage et de ne plus rien envoyer à Max, si ce n'est la somme strictement nécessaire pour reprendre le train. Et il s'attendait à voir arriver Frédéric, une quittance à la main, demandant son salaire. Il fut très surpris de recevoir d'elle une lettre presque sentimentale où on lui faisait savoir que Max, un peu fatigué, ne pouvait revenir de suite. 20 000 francs n'étaient rien si on les comparait à une santé aussi précieuse. Quant au manque de fonds, Frédéric n'avait-elle pas ses bijoux ? Ce désintéressement rendit Ouzelot tout pensif. Le jour des élections partielles n'était pas encore fixé, mais il ouvrait tous les matins le Moniteur universel avec l'espérance, non dénuée de crainte, de l'y avoir officiellement annoncé. Tous les journaux avaient mis son nom en avant. Le gouvernement était tout honteux de l'arrestation momentanée de son fils, laquelle n'était plus attribuée qu'aux allées intempestives de quelques agents subalternes, mais pouvait passer pour une manœuvre de l'avant-dernière heure. On avait en conséquence fait insinuer au docteur que s'il consentait à ne pas accentuer outre mesure sa circulaire électorale, on renoncerait à lui opposer un concurrent officiel. Sa nomination, à peu près assurée, perdrait ainsi le caractère d'opposition systématique et même dynastique qu'elle avait revêtu d'abord. Il serait candidat non agréable, mais non combattu. Enfin, on lui offrait un compromis. Ouzelot l'eût peut-être poussé s'il n'avait craint que cette noble indépendance n'excitât les moustiques du journalisme officieux à venir se coller trop curieusement aux vitres de sa vie privée. Ce mot bouleversant de Mathusem, « Vous n'êtes pas éligible », lui était entré dans le cœur jusqu'à la garde. Plus l'heure du vote approchait, plus la chute lui semblait profonde et désodorante. Une indiscrétion, un moment de mauvaise humeur de Mathusem, et il était perdu non seulement comme futur député, mais comme médecin. Il se trouvait donc entre des électeurs qu'il fallait satisfaire sans trop effaroucher le pouvoir, et un pouvoir qu'il avait aménagé sans s'aliéner les électeurs. Mais celui qu'il était urgent de contenter avant tout, c'était l'implacable Mathusem. Aussi, la prolongation des amours de Max avec Frédéric et de leur séjour à l'étranger lui mettait-elle à l'oreille une puce excessivement cuisante. Il fit porter chez Esther cette lettre inattendue où Madame Pizarev parlait de 20 000 francs avec cette légèreté et de ses bijoux avec cet abandon. Esther, à qui Frédéric ne s'était jamais révélé sous cet aspect magnanime, se creusait la tête pour comprendre et ne savait que répondre lorsqu'elle reçut de son ami cette seconde lettre, suffisamment explicative de la première. Rome, le 16 octobre 1865. Ma bonne Esther, voir Naples et mourir. Mourir d'ennui probablement. Des coups de soleil et de la poussière. De la poussière et des coups de soleil. Voilà Naples. Venise, c'est autre chose. Ça pue. Une affection, ma chère. Je m'inondais de boulis avant de descendre dans ma gondole. Et les lagunes, ces fameuses lagunes. C'est tout le temps une odeur de vieux cuir qui vous tourne sur le cœur. Faut-il que les hommes soient à Manille pour aller dépenser leur argent dans des endroits pareils? Car tout est hors de prix. À Rome, d'où je t'écris, c'est une autre rengaine. On ne voit que des ruines. Tu arrives au milieu d'une grande plaine, n'est-ce pas? On ne te montre rien du tout et on te dit « c'est une ruine ». Et il y a aussi les églises et bien entendu les tableaux. Max me fait quelquefois rester des demi-heures devant une sainte famille de ce raseur de Raphaël. On dit pourtant qu'il était très joli garçon. La seule peinture qui m'est intéressée, c'est le portrait de sa maîtresse, la Fornarina. Tu dois avoir entendu parler de la Fornarina. Les femmes de par là sont assez jolies, mais pas de taille. On mange de bonne glace, ça, par exemple. On ne peut pas dire autrement, mais mauvaise nourriture. Et puis, dévorer des bêtes. Des cloques continuellement plein les bras. Eh bien, tu ne me croiras pas, monsieur Ouzelot, père, vient de me faire savoir qu'il m'attendait à Paris pour régler nos comptes et liquider la société Frédéric, Esther et compagnie. Et j'ai refusé. Je t'entendis, s'était crié. Elle est folle, elle est insensée, elle est peut-être amoureuse. Non, ma bonne, je n'ai jamais eu la tête plus solide et le cœur plus libre. Je ne te ferai pas languir plus longtemps. J'ai un projet. Voilà bientôt 3 mois, sans compter ces 22 jours de prison. Que Max ne voit que moi. Notre amour restait cellulaire comme un mazas. Dans ces conditions-là, une femme est bien forte. De plus, Max n'est pas très solide. C'est un jeune homme qui a grandi trop vite. Pour un rien, le voilà sur le flanc. Une femme un peu intelligente, qui ne lui laisserait pas de repos, qui le mènerait tous les soirs au théâtre, le forcerait, après le spectacle, à souper jusqu'à 2 heures du matin, et trouverait le moyen de l'empêcher de dormir le reste de la nuit, en aurait tout de suite raison. Moi, tu sais, je ne m'émotionne pas. D'ailleurs, je dors dans la journée. Enfin, si, une supposition. Il venait à tomber sérieusement malade. Qui pourrait l'empêcher de rédiger un petit testament en ma faveur? Qu'en penses-tu? Je voudrais ton avis motivé, comme on dit. Réponds-moi, Rome. Via Del Popolo, à l'hôtel français où nous sommes descendus. Tu peux tout me conter. J'ai recommandé qu'on ne remette les lettres qu'à moi. Ta Frédéric. Le soir venu, Esther s'assit devant son bureau, ouvrit son buvard incrusté de nacre, dans l'attitude d'un évêque qui médite un mandement, et voici les lignes que se mit à tracer cette femme revenue du pays des songes et qui, après avoir débuté dans la vie par l'audace, finissait par la circonspection. « Ma toute belle Frédérique, ta lettre m'a fait une peine énorme. C'est avec des extravagances comme celles que tu t'es mise en tête qu'on manque les affaires les plus sûres. Refuser d'obéir à l'ordre du père, qui t'écrit de revenir, c'est empêcher le mariage du fils avec la demoiselle du monde. Empêcher le mariage du fils avec la demoiselle, c'est pousser à son mariage avec Geneviève. Tu as souscrit un engagement. Il faut le tenir. Quelle opinion le docteur aurait-il de nous après un coup pareil? Mais où je te trouve surtout enfant au possible, c'est quand tu te mets à me dévider ton histoire de testament. Voyons, Frédéric, tu n'y penses pas. D'abord, il n'a pas un sou à recueillir avant la mort de son père. En second lieu, le tomba-t-il demain une fortune sur la tête? Le jour où tu te présenterais avec ton testament pour toucher, c'est inouï comme tu serais reçu. Comment peux-tu espérer faire valoir tes droits? Procès en captation que tu perdrais indubitablement, avec des frais énormes. Tu sais comme les tribunaux sont tendres pour nous autres. Les judicieuses observations d'Esther furent interrompues par la voix plaintive de Geneviève, que la fièvre ne quittait pas depuis 8 jours. Esther prit la lampe et entra dans la chambre de la malade. « Qu'avez-vous, ma chère enfant ? » lui dit-elle. « Madame, demanda Geneviève, est-ce que vous avez fait reporter les 1 000 francs ?»« Ah ? Quels 1 000 francs ?»« Ah, ceux de là-bas ? Non, ils sont toujours dans votre tiroir. »« Oh, madame, faites-les reporter tout de suite. »« On dira à ce monsieur qu'il s'est trompé, qu'il n'était pas pour moi. »« Mais mon enfant, il est 9 heures du soir, il faut attendre à demain. »« Demain, de bonne heure, alors. Si ces 1 000 francs n'étaient plus là, je suis sûr que je me porterai mieux. » Comptez sur moi, mon enfant, cria Esther, qui était revenue à son buvard et s'était remise à sa lettre, qu'elle continua ainsi. La célèbre Geneviève est installée chez moi, dans la chambre qui commande le salon. Tu te souviens, elle est mal, très mal. Mais à son âge, on rebondit si facilement que le père vienne à te considérer comme plus dangereuse qu'elle, il l'empoigne par le bras et débarque avec la petite Via del Popolo à l'hôtel français, en présence de ton Max, à qui il raconte que nous fichons de lui depuis près de 5 mois, que Geneviève est un astre et toi une nébuleuse. Tout ton génie n'empêchera pas le jeune homme de tomber sur le cœur de sa maîtresse et elle d'éclater de santé 15 jours après. Ce serait bien agréable. Saisis-tu maintenant et te rends-tu compte du pétrin dans lequel tu peux nous fourrer tous? J'attends de toi une réponse qui me rassure. Je t'embrasse quand même, Esther. Par le retour du courrier, c'est-à-dire à 8 jours d'intervalle, la déclaration ci-dessous suspendit pour quelque temps ce commencement de roman par lettre. « Ma chère Esther, patiente un peu et tu seras la première à me dire « Non, tu n'étais pas folle. Il n'a jamais été dans mon esprit question de discussion et de procès avec la famille. Mais quand on ne peut pas prendre ce tournoi en vie, on s'arrange pour que quelqu'un vous l'offre. À 7 heures, j'étonne Max par mes habitudes d'ordre et par mon désintéressement. Ce que je veux de toi, c'est toi seul, ne cessais-je de lui répéter. J'en suis à faire des difficultés pour lui laisser payer ma place au théâtre. Il se sent presque humilié de la prodigieuse quantité d'amour que je lui donne, sans rien lui demander en échange. L'autre jour, comme il souffrait beaucoup de la tête, car la vie que je le force à mener a fini par lui donner des migraines presque continuelles. Il m'a tiré près de lui et m'a tenu à peu près ce langage. Sais-tu ce qui m'affecte au dernier point? C'est que si par hasard je mourais, je m'en irais ton débiteur. C'est à peine si tu me permets de t'offrir une voiture. Tu me refuses tout et je suis sûr que tu t'endettes plutôt que d'avoir recours à moi. Le côté le plus triste de ma situation, c'est que je n'ai rien. Et que si je mourais, je ne pourrais pas te laisser un sou. Tu penses que je me suis mise à sangloter en lui demandant si quelque chose à ma conduite lui avait donné le droit de m'insulter. Vous êtes donc aussi avec mes ennemis ? Me suis-je écrié. Il m'a naturellement pressé pour savoir de quels ennemis je voulais parler. Alors j'ai tiré de mon corset une petite médaille byzantine que j'ai subtilisée autrefois à Serge Carpuzin. Et je l'ai posé sur la table, en disant à Max, « Jurez-moi sur cette image que vous ne me répéterez à personne ce que je vais vous confier. » Il s'est empressé de m'accabler de serments. « Eh bien, lui ai-je riposté, je suis profondément triste. J'ai reçu de votre père, qui, paraît-il, connaît notre liaison, une lettre où il paraît croire que je vous aime avec une arrière-pensée d'intérêt personnel. Je ne veux pas lui faire un crime de sa défiance, puisqu'il ne me connaît pas. Mais où je me suis senti douloureusement froissé, c'est quand j'ai lu deux pages d'admonestation à propos d'un mariage qu'il avait préparé et auquel il m'accuse de mettre obstacle, comme si je n'étais pas disposé à subir pour vous tous les sacrifices. Ce projet, je l'ai toujours ignoré, et vous êtes là pour affirmer que je n'ai pas tenté le moindre effort pour vous en détourner. Quand vous en ai-je détourné, répondez. Jamais, a-t-il répondu, cette accusation est odieuse et votre désintéressement touche au sublime. Je vais immédiatement écrire à mon père. Où est sa lettre? Elle m'a fait trop de mal, je l'ai déchirée. D'ailleurs, je vous défends d'y faire allusion en quoi que ce soit. Vous ne trahirez pas la promesse que vous m'avez faite sur cette médaille. Il m'a renouvelé l'engagement pris. Maintenant, ai-je insisté, pars, marie-toi, tu n'as rien à craindre de mon désespoir. Je ne fais pas d'extravagance, moi. Je ne me jette pas par la fenêtre. Il est tombé dans mes bras, les larmes aux yeux. À la suite de quoi, nous avons passé une soirée étonnante. Et dans un moment de frénésie, je lui ai dit, en lui mordant la joue jusqu'au sang, « Si tu mourais, mon Max, sais-tu ce que tu me laisserais dans ton testament? Je t'ai donné mon âme. Je veux que tu me lègues ton corps chéri. Je le ferai étendre avec précaution dans un cercueil d'ébène incrusté d'argent. Et je te ferai creuser un caveau assez vaste pour pouvoir aller passer mes journées auprès de toi. Combien de temps te survivrai-je? Dieu seul le sait. Mais le jour où j'irai me coucher pour l'éternité, à tes côtés, serai le plus attendu de tous. Voilà ce que je lui ai dit. Tu comprendras plus tard pourquoi, et tu me rendras justice. Du reste, est-ce que tu n'auras pas ta part, gros bébé? Ta fidèle, Frédéric. PS, j'écris au docteur que son fils va trop mal pour se mettre en route. C'est presque vrai. Comprends pas, se dit Esther. Fin.